aussi ce matin qu'Arte des Rires. J'ai reçu ce matin une carte des Rires. De super bons copains qui restent au pays. De super bons copains qui restent au pays. Ils parlent de leur vie, du temps et de la pluie. Sur une carte du monde, chaque jour ils m'ont suivi. De Bretagne en Europe et d'Europe en Asie. De Bretagne en Europe et d'Europe en Asie. J'essaie de partager avec l'inédit. J'essaie de partager avec l'inédit. Des odeurs inconnues d'inconnus drôles de fruits. Des odeurs inconnues d'inconnus drôles de fruits. Des paysages étranges et des lumières de nuit. Des paysages étranges et des lumières de nuit. Des choses que d'habitude. J'ai reçu ce matin.